6. Conjugaison des verbes en INDRE. Peindre. Je peins. Tu peins. Il peint. Elle peint. On peint. Nous peignons. Vous peignez. Ils peignent. Elles peignent.